Mensonge pour endormir la méfiance, tu n'avais qu'une alternative, obéir à toute confiance au nom du dogme et de Dieu. On a brûlé des innocents, coupables des pires hérésies ou adorateurs de Satan. À trop croire en Dieu, on devient gâteux et on attrape le cerveau pauvre. Car la religion, c'est l'opium du peuple. Prends ta dose et va prier en silence. Après un moment, tu es dans l'ambiance. Remercie ton Dieu et l'opium du peuple. L'opium du peuple. Par référendum, JC n'était donc plus un homme. Au conseil de Nicée, au contraire de la France, le oui l'a emporté. Constantin est aux anges, mais tout réalité, où est la vérité? Voilà la question qui est posée. Car la religion, c'est l'opium du peuple. Prends ta dose et va prier en silence. Après un moment, tu es dans l'ambiance. Remercie ton Dieu et l'opium du peuple. L'opium du peuple.